t'étais pour la chinette, à quatre pattes dans une brouette. Si t'étais pour la chinette, à quatre pattes sur ta mobilette. Quand elle te voit arriver, avec tes bottes et ton gilet, se sent déjà tout excité, patiente de se faire bourrer. Elle pense à son gros phallus qui lui rentre dans l'anus, mais elle voudrait en avoir plus, car elle surveille son infractus. Après ça, elle est toute quiète, s'en va faire ses emplettes. Elle pense déjà à lundi, de revoir Dédé son ami. Bourrer la ginette, c'est agréable. Bourrer la ginette, c'est tout. Et la prendre à quatre pattes sur la table. Bourrer la ginette, c'est agréable. Bourrer la ginette, c'est tout. La ginette, à quatre pattes dans une brouette. Si t'étais pour la ginette, à quatre pattes c'est ta mobilette. Ça y est, la semaine va recommencer. Ginette a son flic tout trempé, mais ça ne déplaît pas Dédé, car il s'en fout, il va bourrer. Si t'étais pour la ginette, à quatre pattes dans une brouette. Si t'étais pour la ginette, à quatre pattes c'est ta mobilette. Quand elle peut pas arriver, fais tes bottes et ton gilet. Se sent déjà tout excité, patiente de se faire bourrer.